Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM, il est bientôt 21h, le vendredi 19 février 2010, c'est une nuisance. Vous êtes sur Canal Sud, Anal Scud pour les intimes, ou analscud.net. C'est nuisance. Il y a du son sur nuisance, sonore, bruit, intrépidité, pugnacité, imbécilité. Voilà. Le temps de pause. Sur la table, avec un écho de vent. Oui, un écho de vent. Le temps passe, sans trépasser, sans trépigner d'impatience. Je vois le temps passer sur les longueurs d'outre-tombe. Le temps passe sur ces longueurs d'outre-tombe sans trépasser ni trépigner d'impatience. Je vois le temps passer sans trépasser ni trépigner d'impatience. Vous êtes sur Canal Sud, ces nuisances. tressaillant. J'ai les moniteurs allumés. Oui, les moniteurs. Ils sont allumés. Il n'y a pas assez de niveau. Stop pain, I take it out. I just don't find. I need some pain, stop. Why not? Hey. I just don't find you, huh? I just don't. Wesh! Wesh! What's that? Hey, kid! Ah! Je tire. Oui, tire. Never. Tire-bouchon est de sortie. sort of a thing, glorious as it is. It has transpierced my fucking all the time. The wondrous sort of glorious pleasures will always be the ones, the twos and the threes. Even though the twos and the threes are missing, I don't want to know. I don't want to know. Je ne veux pas savoir. Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qu'il va se passer dans ma teuté. Le vin rouge ou le vin rosé? Préfères-tu? Thank you. Il fut un temps où la négligence était passée, outrepassée la négligence, le temps se dépassa à bannir les excédents ou les excédentaires, comme sédentaires actions d'assassinat de retraités au long séjour. Vu dernièrement la dernière question du questionnement posé sur une traverse ombragée n'en découpe pas. Un nouvel ordinateur. Un poulet rôti. Une banane. Et puis rien. Voilà ce qu'il reste à la France. La France est morte. Vive la France. Vive la France des morts. Bitch-ass motherfuckers will not be the ones, the twos, the threes for me, nor the twos and the threes for you. Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM, ou canalsud.net, c'est Nuisance. Du bruit. We are the ones, the twos, the threes, the glorious things in this world. And threes and fours in your life. I do not know what I am saying, So go away from here, quick. Thank you. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est une nuisance. Ce soir avec Marc, Ivan, Alexandre, Gaël, Al. Nous sommes le vendredi 19 février 2010. Il est actuellement 22h10. Au revoir.